2009, toujours là. Y'a de quoi me détester. Au mic, ça fait bras. Et tu risques d'y rester. Je suis international et je fais mal. Phénoménal, mes versets sont des balles. Mon rap, mec, oh mic, moi, j'déclasse, c'est du lourd, mec, ce que je crache. Non, faut pas que tu te fâches, car moi, ce que je crache, j'l'ai pas fait pour les lâches, j'l'ai pas fait pour les faux. Ça, c'est pour tous mes roses, ça, c'est pour tous mes petits frères, je meurs pour la famille. Tu dis que tu me détestes, gars, mec, ne me teste pas. Un deck, mec, ne reste là, les decks ne me respectent pas. Mes frères sont autour de moi, me demande pas ce que je bois, me demande pas ce que je suis, ni comment je vis. Ma vie, moi, je la fais. Et je sais, c'est que je la ferai jusqu'au jour où je vais crever. Da, Deutschland, Frankreich, ich komm mit Weißboy, der dich an die Wand schmeißt. Halt deine Fresse jetzt, du hast genug geredet. Ich hab mit euch nichts zu tun, komm und friss jetzt meinen Penis. Du, ja genau du, fühl dich angesprochen. Komm zu mir angekrochen, ich brech dir verdammt die Knochen. Für euch ist um 12 over, doch es geht erst los. Mich kannst du nicht kaufen, Mann, ich spucke auf dein Koks. Heute hier, morgen da, sag wann geht die Sonne auf. Ich bin mit Raymond, nicht mal nach ner Tonne drauf. Ness, sag doch was, scheiß auf die Huren. Alle wollen sie jetzt ficken, doch ich bleibe stur. Schau auf die Uhr, Mann, ich hab keine Zeit. Und sie tickt jeden Tag, die nur weiß, was ich mein. Jedes Wort ist zu viel, fick jeden, der uns nicht mag. Ihr seid nur ein Haufen Scheiße aus dem Dickdarm. Balle von Kero, fuck la galera. Boys sont dans la sono. Toujours là pour assassiner le micro. Et genoux, mes gènes viennent du quartier Neugeot. En moins d'une seconde, j'passe du mec cool au mec barjo. J'fais du 320, les yeux bandés sur un 32 pistes. On trempe la piste hystérique, comme les choristes. Emir, on dit quoi? Dino, on dit quoi? Featuring international avec tout type, on dit quoi? J'ai la plume qui fume après un couplet à moi. Ce qui n'est plus à toi, reviens à moi. Et ouais, Roya, j'ai la rime qui tue. Eh ouais mon brave, j'ai le front qui sue. Y'a que les vrais qui savent. Pour l'instant on bosse en direct de Germany. Reste simple et cool, mec oublie tes manies. Oubacras qui prend les rênes, c'est les tasses dans ce monde pourri. Laissez-moi rire de la démocratie. Sur l'instru, une bonne basse, trop coriace, on tabasse. Généralement l'intimidation commence par une menace. Je t'efface, je rigole, je m'en vais, je m'efface. Je raisonne sur mes actes et crache sur double face. Je reste clean, je m'incline devant Dieu. Ma racine me détourne du péché, m'approche un peu plus du din. On n'a pas de frontières, fuck la galère. Ich betone, ich fick jeden, der mich fickt. Meine Faust ins Genick, deine Waffe macht nur Klick. Was für Punchline, Pussy, ich hab Eier wie aus Stahl. Zwei Eier für euch alle und mein Schwanz fickt anal. Rap brutal, ihr seid nicht auf meinem Niveau. Euer Level ist ein Tal und ich spucke von Plateau. Say show, le retour de terroriste de la rime. K.A. international, beißt du deep. Bitch, wer von euch will ficken mit mir? Zeig mir einen, der mich toppt, Bomben droppt wie wir. Comeback, K.A. Rattatat, Panzerschreck. Eure Worte sind so fake wie ein umgedeckter Scheck. Huhuhu, unsere Zeilen sind aus TNT. Fuck you, I die for every single word that I say. One day, homie, pray that we pass away. Before we pass by, 47 gonna be judgment day. Balle frontiere, fuck la galera. Voilà FLX, c'est l'ira au mic. Oreille les musiques, je prends le mic, je pose une dynamite. On se donne au max, on donne tout ce qu'on a. Les faux MCs finissent dans le coma. C'est la rage des balles quand l'humilité tu bled. La fierté de l'Irlande, tout ça c'est dans nos gènes. Tout ça c'est dans nos veines, on n'a pas le choix. On dit quoi? Tout dit B-Y-K-A. Et et à chaque fois c'est la même. Ils veulent nous la mettre. Pour l'instant on tient, j'espère ne jamais manger la gamelle. Du site et une camelle pour effacer nos peines. Mais bon, ça nous empêche pas toujours d'avoir la haine. Rien dans le bas de laine. Et ouais c'est malheureux, mais rien à foutre car dans nos têtes on reste valeureux. Le cœur chaleureux, on t'accueillera à bras ouverts. Tu sais c'est la famille mon frère. On n'a pas de frontières.